Je sais pas quoi faire ma vie. Tu le vois, tu es un rappeur. Crois que tu es en place, t'as pas compris. H24 à la TC, non, mais pas sympathisé. Quand je pars d'ici, j'ai envie de revenir, je sais pas ce que j'ai. Pourtant y'a rien, tu peux le voir à nos journées. Mais c'est son charme qu'on s'en sort tous, c'est mon souhait. Qu'on soit soudés comme à l'ancienne au synthé. Qu'on se mange pas entre nous pour de la merde et futilité. On s'envoie des filons et on se partage la moitié. Si t'es mignon et que t'as des plans, tu fais croquer. Personne sur le côté, un sur cette équipée. C'est entre nous si tu fais tout et qu'elle t'a quitté. J'pars loin du ghetto. Cohiba béliqué dans la bouche et un mojito. Faut mijoter pour finir loin du béton. Trop fait tirer le sud, laisse tomber, j'prends l'avion. J'pars loin du ghetto. Cohiba béliqué dans la bouche et un mojito. C'est la serpillière. Faut être le boss qui t'a être méchant plein de manières. Faut une villa pour maman au bord de la mer. Une grosse caisse pour papa, histoire qu'il se la pète en gros fer. Y'a rien de plus cher, te rendre la famille fière. Business entre frères, merdis, tu prends plus sur l'affaire. Merdis, tu fais le con, on fait tous des erreurs. Quand je peux, je donne un billet gros et de bon cœur. Des fois je fais des écarts, au stud, je suis en retard. Y'a pas de repos, y'a pas de topo pour les pétards. Chap, c'est nous qu'on débarque, bientôt c'est dans les bacs. Moi, j'dirais que c'est bas, quand je les laisserai au départ. Par. J'pars loin du ghetto. Cohiba béliqué dans la bouche et un mojito. Faut mijoter pour finir loin du béton. Trop fait tirer le sud, laisse tomber, j'prends l'avion. J'pars loin du ghetto. Cohiba béliqué dans la bouche et un mojito. Pour finir loin du béton, trop fait tirer le sud, laisse tomber, je prends l'avion. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut? Laissez-moi, je suis ravi, prends mon casque, dalle, coupe en deux. Des fois, je suis tenté de faire des trucs dangereux. On sent moins le danger quand dans la merde on est deux. Nueve.